c'est le miro et tu sais déjà. Le sentiment t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Le sentiment t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Te voir dans les bras d'un autre, ça me rend fou, baby. Je sais que t'es pas à moi, mais je te vois pas partir. Le sentiment t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. T'as confié à ta grande sœur, tu voyais quelqu'un d'autre. Nous deux c'était comme les tours jumelles. Ose me dire dans les yeux ton futur, c'est lui. Quand je réalise que notre lit est vide. Entendu. Tu veux me conjuguer au passé. Entendu. T'as même changé de numéro. Entendu. J'ai souffert de t'avoir blessé. Que tu souffriras aussi. Tout me manque en toi. Tes colères, tes caresses. Ton odeur sur mes vêtements. C'est l'inverse. Le sentiment que t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Le sentiment que t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Te voir dans les bras d'un autre, ça me rend fou, baby. Je sais que t'es pas à moi, mais je te vois pas partir. Le sentiment que t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Je refuse que tu me vois dans ce piteux état, donc je m'amuse. J'oublie plus vite en étant fait tard, tu veux que je dise. Que je vivrai plus si c'est plus toi sur qui je mise. Jamais je me livre. J'ai supprimé nos photos, on était beaucoup trop beaux. Tout ce qui me rappelle ton visage fuit. Nos chansons et cet endroit, tu voulais que je vote pour toi. Mon cœur t'a élu et t'as changé de speech. Tout me manque en toi, tes colères, tes caresses. Ton odeur sur mes vêtements. C'est l'inverse. Le sentiment que t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Le sentiment que t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Te voir dans les bras d'un autre, ça me rend fou, baby. Je sais que t'es pas à moi, mais je te vois pas partir. Le sentiment que t'es plus à moi, oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. Ah oui na boy, ah oui na boy, ah oui na boy. I'm in a boy.